Chapitre 7 Apparition. Au moment où la grisette et son compagnon entraient dans l'allée de leur maison, ils furent presque renversés par Madame Pipelet, qui courait, troublée, éperdue, effarée. « Ah, mon Dieu !» dit Rigolette, « qu'est-ce que vous avez donc, Madame Pipelet? Où courez-vous comme cela ?»« C'est vous, Mademoiselle Rigolette !» s'écria Anastasie. « C'est le bon Dieu qui vous envoie. Aidez-moi à sauver la vie d'Alfred. » « Que dites-vous ? » ?»« Ce pauvre vieux chéri est évanoui. Ayez pitié de nous. Courez-moi chercher pour 2 sous d'absinthe chez le rogomiste, de la plus forte. C'est son remède quand il est indisposé, du pylore. Ça le remettra peut-être. Soyez charitable, ne me refusez pas. Je pourrai retourner auprès d'Alfred. Je suis tout ahuri. » Rigolette abandonna le bras de Rodolphe et courut chez le rogomiste. « Mais qu'est-il arrivé, Madame Pipelet ?» demanda Rodolphe en suivant la portière qui retournait à la loge. « Est-ce que je sais, mon digne monsieur ? J'étais sorti pour aller à la mairie, à l'église et chez le traiteur, pour éviter ces trottes-là à Alfred. Je rentre. Qu'est-ce que je vois ? Ce vieux chéri, les 4 fers en l'air. Tenez, monsieur Rodolphe, dit Anastasie, en ouvrant la porte de sa tanière. Voyez si ça ne fend pas le cœur. » Lamentable spectacle. Toujours coiffé de son chapeau tromblon, plus coiffé même que d'habitude, car le castor douteux, enfoncé violemment sans doute, à en juger par une cassure transversale, cachait ses yeux, monsieur Pipelet était assis par terre et adossé au pied de son lit. L'évanouissement avait cessé. Alfred commençait à faire quelques légers mouvements de main, comme s'il eût voulu repousser quelqu'un ou quelque chose. Puis il essaya de se débarrasser de sa visière improvisée. « Il gigote, c'est bon signe, il revient !» s'écria la portière. Et, se baissant, elle lui cria à l'oreille, « Qu'est-ce que tu as, mon Alfred ? C'est Anastasie qui est là, comment vas-tu ? On va t'apporter de l'absinthe, ça te remettra !» Puis, prenant une voix de fausset des plus caressantes, elle ajouta, « On l'a donc écharpé ?» Assassiner ce pauvre vieux chéri à sa maman, hein ? Alfred poussa un profond soupir et laissa échapper comme un gémissement ce mot fatidique. Cabrion ! Et ses mains frémissantes semblèrent vouloir de nouveau repousser une vision effrayante. Cabrion ! Encore ce gueux de peintre ! S'écria Madame Pipelet. Alfred en a tant rêvé toute la nuit qu'il m'a abîmé de coups de pied. Ce monstre-là est son cauchemar. Non seulement il a empoisonné ses jours, mais il empoisonne ses nuits. Il le poursuit jusque dans son sommeil. Oui, monsieur, comme si Alfred serait un malfaiteur, et que ce cabrion, que Dieu confonde, serait son remords acharné. Rodolphe sourit discrètement, prévoyant quelques nouveaux tours de l'ancien voisin de Rigolette. Alfred, réponds-moi, ne fais pas le muet. « Tu me fais peur, » dit Madame Pipelet. « Voyons, remets-toi. Aussi, pourquoi vas-tu penser à ce gredin-là ? Tu sais bien que quand tu y songes, ça te fait le même effet que les choux, ça te porte au pylore et ça t'étouffe. »« Cabrion, » répéta Monsieur Pipelet, en relevant avec effort son chapeau, démesurément enfoncé sur ses yeux, qu'il roula autour de lui d'un air égaré. Rigolette entra, portant une petite bouteille d'absinthe. « Merci, mamselle, êtes-vous complaisante ?» dit la vieille. Puis elle ajouta, « Tiens, vieux chéri, siffle-moi ça, ça va te remettre. » Et Anastasie approcha vivement la fiole des lèvres de Monsieur Pipelet, entrepris de lui faire avaler l'absinthe. Alfred eut beau se débattre courageusement, sa femme, profitant de la faiblesse de sa victime, lui maintint la tête d'une main ferme et de l'autre lui introduisit le goulot de la petite bouteille entre les dents et le força de boire l'absinthe. Après quoi elle s'écria triomphalement « Eh, allez donc, te voilà sur tes pattes, vieux chéri !» En effet, Alfred, après s'être essuyé la bouche du revers de la main, ouvrit ses yeux, se leva, debout, et demanda d'un ton encore effarouché, « L'avez-vous vu ?»« Qui ? Est-il parti ? Mais qui, Alfred ? Cabrion. Il a osé, s'écria la portière. Monsieur Pipelet, aussi muet que la statue du commandeur, baissa comme le spectre deux fois la tête d'un air affirmatif. Monsieur Cabrion est venu ici ? Demanda Rigolette en retenant une violente envie de rire. Ce monstre-là est-il déchaîné après Alfred ? S'écria madame Pipelet. Oh, si j'avais été là avec mon balai, il l'aurait mangé jusqu'aux manches. Mais parle donc, Alfred, raconte-nous donc ton malheur. Monsieur Pipelet fit signe de la main qu'il allait parler. On écouta l'homme au chapeau tromblon dans un religieux silence. Il s'exprima en ces termes d'une voix profondément émue. Mon épouse venait de me quitter pour m'éviter la peine d'aller, selon le commandement de monsieur, il s'inclina devant Rodolphe, à la mairie, à l'église et chez le traiteur. Ce vieux chéri avait eu le cauchemar toute la nuit. J'ai préféré lui éviter ça, dit Anastasie. Ce cauchemar m'était envoyé comme un avertissement d'en haut, reprit religieusement le portier. J'avais rêvé Cabrion. Je devais souffrir de Cabrion. La journée avait commencé par un attentat sur la taille de mon épouse. Alfred, Alfred, tais-toi donc, ça me gêne devant tout le monde, dit madame Pipelet en minaudant, roucoulant et baissant les yeux d'un air pudique. Je croyais avoir payé ma dette de malheur à cette journée de malheur, après le départ de ces luxurieux malfaiteurs, reprit monsieur Pipelet, lorsque... Oh, mon Dieu, mon Dieu! Voyons, Alfred, du courage. J'en aurai, répondit héroïquement monsieur Pipelet. Il m'en faut, j'en aurai. J'étais donc là, assis tranquillement devant ma table, réfléchissant à un changement que je voulais opérer dans l'empeigne de cette botte, confiée à mon industrie, lorsque j'entends un bruit, un frôlement au carreau de ma loge. Fût-ce un pressentiment, un avis d'en haut, mon cœur se serra.